your hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch it stink. Why? Cause doggies on the gang. My bank rolls on swole. My shit's on hit legit, now I'm on parole. Stroke. With the dog pound right behind me and up in your bitch is where you might find me playing that G-bang. She want the nigga with the biggest nuts. And guess what? He is I and I am him. Slim with the tilted brim. What's my motherfucking name? What's my name? Quel est mon nom? C'est ce que demandait le Californien Snoop Dogg en 1993. Quel est mon nom? Eh bien, mon nom est personne, nous avait déjà répondu Sergio Leone. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Alors bon, que ce soit par la porte ou par la fenêtre, bienvenue chez nous. Cher ami, après la fièvre du rap californien, il est l'heure maintenant de te vautrer confortablement pour amorcer ensemble les modestes péripéties de ce 135e épisode du Mangin Palace. Tu n'ignores point désormais que la tradition veut que nous débutions par notre petite session freudienne avec Monsieur Divan Beaujelet, le fiefé sacripant de nos coursives. Néanmoins, cette semaine, ce sont les vacances de la Toussaint. Et nous nous sommes fait plaisir puisque nous avons concentré notre attention sur un unique client passionné par la mise en scène et le cinéma. Et là aussi, figure-toi qu'il y a le dit et le non-dit. Ainsi, découvrons notamment ce matin l'influence de Ben-Hur et son char sur la conduite de notre politique intérieure et comment, grâce à John Rambo, nous allons enfin sortir de la mouise. Allez, en route maestro. Tends bien l'oreille, car voici pour toi la cinéphilie décryptée de notre président bien-aimé. Ainsi soit-il. Hasard. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour. Tu l'as rencontré où? Je croyais que c'était un de tes potes. Ah non, j'ai jamais vu. Le cinéma pour vous, ça a commencé quand et comment? À l'époque, enfin, je parle de ça, au début des années 60, le cinéma était une sortie extraordinaire. Je crois que je vais chialer. Et mon premier souvenir cinématographique, c'est Ben-Hur. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Et je m'en souviens très bien, puisque j'étais furieux contre ma tante, qui très gentiment m'avait emmené, et avait passé une grande partie du film à me mettre la main devant les yeux pour m'empêcher de regarder. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Les scènes qui, dans Ben-Hur, vous savez, lorsque le char court, qu'il y a les lames pour détruire les autres. Devant l'insistance du Sénat et du peuple de Rome... Moi, j'ai la nostalgie des péplums. J'accepte les plus hautes fonctions de notre grande République. Le film de guerre aussi. Le soldat Ryan, je sais que ça vous a beaucoup plu. Ah, moi, je suis bouleversé par le soldat Ryan. C'est cette famille typiquement américaine qui est dans le cimetière. Il y a le grand-père, gros plan sur ses yeux, et on arrive sur les plages de Maha Beach. C'est un film extraordinaire. Mais j'ai adoré Le jour le plus long. Tu me prêtes ton marqueur? J'aurais besoin de prendre des notes. Ah, pourquoi dans l'histoire du cinéma, on a eu la période péplum, on a eu la période film de guerre, et puis plus rien? Une seconde, j'ai la boîte de distribution au téléphone. Ouais, une cassette de chaque pour les titres suivants. Bruit et chuchotement. Et on est tombé, à mon avis, à tort. Chacun ses goûts. Dans des périodes psychologiques, narcissiques et sinistres. J'aime la chipolata, arrose-moi les chaussettes. Qui n'ont pas été, de mon point de vue, très modestement, les plus heureuses pour le spectateur que je suis. Quittez pas, vous m'en donnez le titre? Par exemple, Stallone, je suis absolument un inconditionnel. Le cinéma d'action, avec un peu de sentiments dont j'admets bien volontiers que c'est des sentiments à 3,50 francs. Des films à dimension historique, genre le Dernier Empereur, que j'ai absolument adoré. Dans les derniers films, La vie est belle de Bellini, qui est un film admirable. Mon regret restera quand même dans le cinéma de ne pas avoir rencontré Louis de Funès. Par exemple, si d'aventure j'étais metteur en scène... Tu sais, j'adore ce que tu fais à l'antenne. Je vous le distribuerais volontiers dans les rôles que tient en général Christian Clavier. Je t'en parle en premier parce que t'as de l'imagination. Souvent, on nous confond, Christian Clavier et moi. Putain, le mec, il en met pas une dedans. Je veux dire que les bronzés restent pour moi une très grande aventure cinématographique. Putain, t'es pas un furet, toi. Ne parlons même pas des visiteurs... 1 et 2. Je suis ravi d'avoir dissipé cette légende selon laquelle je serais trop intello pour les jeunes. Mais non, voyons, il n'est pas trop intello, notre président Sarko, et encore moins trop peu démago, car face à la crise bancaire et financière, président Sarkozy est en train de virer tranquillement vers la gauche. Ah ben oui, hein, si on l'écoute, grâce à lui, la France va devenir un pays étrange et merveilleux, où vivent des petits lutins joyeux qui schtroumpfent plus pour schtroumpfer plus. Et d'ailleurs, nous fêtons ce mois-ci le cinquantenaire de l'apparition des schtroumpfs dans le journal Spirou, en 1958, donc, sous la plume du dessinateur belge Peyot. Les petits hommes bleus, hein, les schtroumpfs. Vous savez qu'au départ, les schtroumpfs, c'est moi qui ai eu l'idée. Oui. Oui, moi je voulais que ça s'appelle les Beatles. Oui, mais bon, c'était déjà pris, alors. Et malgré, ou grâce à leur nom étrange, les Schtroumpfs ont envahi depuis 50 ans nos imaginaires d'enfants. Sauf que voilà, les Schtroumpfs d'aujourd'hui ont pris de la bouteille et dans le merveilleux petit village fait de maisons en champignons, l'entente n'est plus tout à fait aussi cordiale que par le passé. D'ailleurs, jeudi prochain, le 6 novembre, les militants du Parti Socialiste vont pouvoir voter afin de choisir la motion qui va guider l'avenir du PS... mais surtout être décisive dans le choix du prochain grand schtroumpf lors du congrès de Reims dans 15 jours où tous les schtroumpfs se réuniront. Eh oh ! Les schtroumpfs, venez, voilà, venez oui. Par ici. Écoutez-moi tous. Qu'est-ce qu'il y a, schtroumpf à lunettes ? Non, grand schtroumpf, s'il te plaît, schtroumpf de droite. Il faut qu'on schtroumpfe tous ce papier pour dire qu'on approuve les lois qui vont schtroumpfer notre pays et les autres pays qui sont autour. Tout le monde est d'accord ? Oui, d'accord. Non, moi je ne veux pas schtroumpfer ce papier. Bah, oui, mais c'est embêtant, je trouve, grognon. S'il n'y a pas unanimité, ça passera pas. Moi je n'aime pas l'unanimité. Qu'est-ce qu'un schtroumpf alors ? On n'a qu'à faire une plage au milieu du village. Non, schtroumpf bobo. On en a déjà schtroumpfé, c'est non. Écoute, schtroumpf grognon, faut arrêter d'être comme ça. Tu nous aides pas là. Je m'en fous. Moi je n'aime pas vous aider. Le schtroumpf grognon a raison. Non, il a tort. Mais si. Et c'est ainsi que depuis ce moment, les petits êtres tout roses se font la guerre entre eux dans leur monde, loin, très loin de celui des humains. Et c'est pour ça que tout le monde s'en fout. Oui. Non. Enfin bon. L'harmonie merveilleuse des petits schtroumpfs socialistes s'annonce menacée à l'approche du renouvellement de la direction du parti. Ainsi, les militants devront schtroumpfer cette semaine leur motion préférée parmi les 6 propositions dont les principales sont celles de la schtroumpfette du Nord, celle de la schtroumpfette Chabichou et celle du schtroumpf bobo ou encore du schtroumpf gaucho. Et pour clarifier le vote, chacune de ces motions s'est vue attribuer une lettre au hasard, le A ou le B. Ou le C. A. Le cri des spectateurs qui ne sont pas du tout en. B. T, d'ailleurs, personne ne sait K. C. Et qui sont verts de toutes les I. D. Qu'on leur a sorti des idées qui maintenant sont aussi A. E. Et que jamais rien ne pourra. F. Assez de leur mémoire. Et bien maintenant, nous devons dégâts. G. Car c'est l'heure. H. On doit. I. Aller fuir cette tabac. J. Se procurer des. K. Chou, sa copine. L. M. Bien quand il a l'al. N. Fraîche. Et bien maintenant. O. Revoir, on s'est assez au cul. P. De vous. J'ai bien dit O. Q. P de vous. On va passer des riz. R. En vite. S. Se refaire une sang. T. On va. U. Riner. O. V. C. D'ailleurs, ça se dit VC, mais ça s'écrit. W. C. On va monter dans notre C. X. Et avec nos gueules de métèques, de juifs errants de pâtes. Y. On va se faire tirer le portrait par notre ami, le grand photographe Jean Dieu. Z. En effet, c'est un peu la confusion avec toutes ces motions socialistes pour le congrès de Reims. Et depuis un petit moment déjà, les différents schtroumpfs, qui cherchent à schtroumpfer la place du premier schtroumpf du Parti Socialiste, ont commencé à fourbir leurs armes comme par exemple la Schtroumpfette qui se la pète au zénith avant d'essayer de l'atteindre. Tu sais ce que ça veut dire ? Je suis riche, riche ! Tu entends ? Écoutez, on a déjà entendu ce discours pendant sa campagne présidentielle. Aujourd'hui, ce que les Français attendent, parce que nous sommes tous très inquiets, c'est que l'on passe des discours aux actes. Il est plus que temps. Et il y aura au zénith des délégués de chez Gandrange, de Renault, de La Poste, des luttes sociales. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, Schtroumpfette. Le grand Schtroumpf dit toujours qu'il faut savoir Schtroumpfer son intelligence tout en se distrayant, n'est-ce pas ? Je fais de la politique autrement. J'aurais dû m'en douter, dire que cela me schtroumpfait les yeux. Vous connaissez, je suis quelqu'un d'assez direct, assez d'hypocrisie. Les choses sont dites, elles ont déjà été dites. Au revoir et merci encore. Eh oui, au revoir, merci encore et au suivant. Car depuis 2 mois maintenant, les leaders schtroumpfialistes font tout pour réunir autour de leur motion un maximum de soutien. Et pour ramener un militant dans son giron, il n'y a qu'une solution valable au pays des schtroumpfs. Avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Ainsi, c'est à grands coups de mots bleus que la Schtroumpfette du Poitou-Charentes a réussi à attirer les Schtroumpfs jumeaux, à savoir Manuel Valls et Vincent Peillon. C'est aussi avec des mots bleus libéraux que Bertrand Delanoë s'est attaché les bonnes grâces du grand Schtroumpf François Hollande et celles du Pierre Moscow-Schtroumpf. Quant à Henri Emmanuelli, le Schtroumpf à sourcils, il a été charmé par le discours du Schtroumpf gaucho Benoît Hamon. Le problème du PS, c'est quoi ? C'est qu'on se comporte face à la droite comme un néophyte aux échecs. La droite a 10 coups d'avance quand nous, on répond au coup par coup. Mais dans une partie comme celle-là, on est condamné à être mat. Il y a longtemps loin d'ici, vivez dans ce pays. Étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux sommes les petits schtroumpfs. Les petits schtroumpfs, vous avez dit ? Nous, notre responsabilité, ce que nous voulons dire aux socialistes, c'est qu'il est temps que le PS reprenne un temps d'avance. Parce qu'il a un monde d'avance. Et ce monde d'avance, c'est ne plus subir l'agenda de la droite, ne plus subir les faits comme une fatalité, ne plus subir l'air du temps. Une gauche décomplexée face à une droite décomplexée, c'est cette orientation que la motion dont je suis le premier signataire défendra. C'est aussi pour cela que je suis aujourd'hui candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Bien, je trouve en cœur. T'as vu ? La la, la schtroumpf, la la, ça portera bonheur, ouais, gros ! La la, la la la la. C'est le refrain que chantent en cœur les militants du Parti Socialiste qui vont devoir choisir la motion qui leur va droit au schtroumpf pour ne pas l'avoir dans le schtroumpf. Ainsi, un des grands favoris, c'est le schtroumpf à Vélib, Bertrand Delanoë. Si nous, les socialistes, nous ne sommes pas des défenseurs des libertés et des droits de l'homme, qui sommes-nous ? Nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit les schtroumpfs ? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux ? Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous sommes résolument écologistes. Notre village est bâti. Je crois que nous sommes la seule des 6 motions qui présente tout cela à la fois. Et c'est pourquoi, voilà, nous prenons très au sérieux le vote du 6 novembre. Et nous trouvons une fête, une belle et grande fête. La schtroumpf, la la la la, la la la schtroumpf, la la. Alors, la guerre s'annonce rude entre les différents courants schtroumpfs. Qui va gagner ? Sera-ce une des 2 schtroumpfettes ? Sera-ce une motion plutôt de gauche ou plutôt de droite ? Y aura-t-il des surprises comme par exemple la venue depuis une terre lointaine du schtroumpfniqueur mais blanchi, Dominique Strauss-Kahn. La la la la la, sing a happy song. La la la la la, smurf the whole day long. Ooh, I hate smurfs. I'll get you, I'll get all of you if it's the last thing I ever do. Oh ben c'est sûr, quand le schtroumpf financier du FMI va s'apercevoir qu'il y a si peu de schtroumpfettes pour autant de schtroumpfs, va être un peu déçu. Mais bon, jeudi prochain, nous devrions avoir une bonne indication sur le déroulement du congrès de Reims. Pourtant, si le score obtenu par les différentes motions est très serré, Les accords seront très difficiles et dans ce pays étrange et merveilleux où vivent des petits lutins joyeux, les coups risquent de pleuvoir et il y aura donc beaucoup d'échymoses et de bleus chez les Schtroumpfs. Tu vas le regretter! Ça va te coûter cher, ça chien! Mais on rêve, il cherche la bagarre! Un petit conseil, pose-la doucement par terre. Pas question, je vais lui casser le cou et je m'occuperai de toi après. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah bah ce qu'on dit, c'est qu'au congrès schtroumpfialiste de Reims, dans quelques jours, ça va schtroumpfer dur. Surtout pour le grand schtroumpf, qui est en cavale alors que le schtroumpf lui schtroumpf la schtroumpf. Je suis en cavale et le soleil me brûle la peau, je pleure. Mes amis d'infortune ayant laissé leur vie au combat, je me perds. Mais j'ai l'espoir de refaire à neuf ma vie un jour où la terre est bonne, le ciel clément et ton cœur près de moi de temps en temps. Le sable fouette mon visage, un vent tiède me pousse vers le nord où rien ni personne ne m'attend, solitaire errant depuis la nuit des temps. Je marche jusqu'à la frontière et le soleil me brûle la peau, je perds mon souffle, la mort me guette, les vautours tournoient derrière mon dos. Les serpents qui sifflent et tout qui s'affole autour de moi. La vision trouble, les mirages en pagaille, les rafales d'un vent sec qui écorchent le visage. Les vautours affamés attendent ma débâcle. Que je tombe, je les entends penser à un festin du genre qu'on en reprendrait bien, à un de ces festins dont on se souvient. Go, go, go. J'aperçois au loin la frontière qui avance. J'aperçois au loin la frontière qui avance. Est-ce une vision de plus ou la fin de mon voyage? Une vision de plus ou la fin de mon voyage? Go, go, go, c'est ce que nous recommande le duo La Casa. Eh bien, go, go, go, c'est aussi ce que nous souhaitons au candidat Obama pour mardi prochain, qu'il ait la baraka pour la Casablanca. I have a dream today. Après notre voyage au pays des Schtroumpfs socialistes, donc, passons dès à présent à 11h27 à notre séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que chaque année, pour la Toussaint, dans la nuit du 1er au 2 novembre, jour de son anniversaire, la reine Marie-Antoinette organise une fête somptueuse dans les salons poussiéreux de l'INA. La liste des illustres fantômes invités est impressionnante et les discussions sur la mort sont captivantes. Eh bien, en ce jour où les catholiques célèbrent tous les morts, écoutons religieusement ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole? Cette semaine, à l'INA, c'était la fête. La fête des morts. C'est Marie-Antoinette qui a tout organisé. Il faut dire que son anniversaire a lieu le 2 novembre. Alors tous les ans, dans la nuit du 1er au 2, à l'INA, c'est Versailles, Marie-Antoinette est une excellente hôtesse. Pendant qu'elle sert les boissons au buffet, sa tête reste dans l'entrée pour accueillir les invités. Monsieur, enchanté de vous avoir. Installez-vous, je vous prie. Tenez, mettez-vous là, voulez-vous ? Dès leur arrivée, Jacques Brel et Georges Brassens étaient ravis de toutes ces têtes d'enterrement. J'aime la fête. Je trouve que tout est une fête. La main d'un homme, c'est une fête. Retrouver quelqu'un, c'est une fête. Même un enterrement, c'est une fête. On est tous là. C'est une fête. C'est pas triste, c'est une fête. J'aime m'amuser aux enterrements, vous voyez. Même si j'aime celui qu'on enterre. Pour lui faire plaisir, je préfère rigoler. Ce qui est, avouons-le, une forme d'humour noir. Et c'est à l'heure de la mort que l'humour précisément a tout son prix. Marie-Antoinette a toujours une petite anecdote pour distraire ses invités. On pourrait également citer comme exemple d'humour noir, plus ou moins volontaire, quelques coutumes mexicaines qui veulent que les enfants notamment croquent en riant des crânes en sucre filé ou reçoivent comme jouets des squelettes, des cercueils, des enterrements en miniature. Un amuse-gueule. Je suis au régime. Et Arletty était en pleine forme. La mort, c'est plutôt une copine pour moi, voyez. Quand on claque, quand on avale son acte, on ressuscite. Voilà mon truc à moi. Je m'en tape un peu, ça m'est égal. Près du buffet, Jean Cocteau racontait sa vie à un Bourville amusé. Lorsque je serai mort, je vivrai d'acte en acte ma défunte vie à tâtons. Si dans ce monde-là je découvre une porte ouverte sur le monde humain, vous aurez peur de voir une personne morte et je rebrousserai chemin. Ah oui, mais on peut faire rire aussi. On rira. Et beaucoup même. Parce qu'avec le rire, on peut dire beaucoup de choses. Et on peut émouvoir plus. J'en sais rien. C'est ma femme qui mélange les invitations. Rire, c'est exprimer par une contraction des traits de la face, accompagnée d'expirations plus ou moins saccadées et bruyantes, un sentiment soudain de gaieté. À série, il était l'heure de passer aux choses sérieuses. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous appelez tous de vos voeux. Le grand concours de twist. Et maintenant, quel sera le recouple qui gagnera le superbe trophée que Marilyn nous fait voir? Alors j'appelle nos fringants danseurs et danseuses. Là. Et à la surprise générale, c'est Barbara et des proches qui ont ouvert le bal. Ce qui se passe, c'est qu'on se cache derrière son petit doigt. Dès qu'on vous parle de mort, on fait, oh, c'est mal élevé. C'est juste, on ne fait pas, c'est mal élevé. Mais à partir du moment où un enfant naît, à l'instant même où il est la vie, il s'achemine vers quoi? Vers la mort. À mon avis, la mort devrait être un service public gratuit pour tout le monde, comme la naissance, non? Mais on ne nous a pas appris la mort. Si on apprend la vie, il faut apprendre la mort. De toute façon, l'heureux temps que chantait Brassens, où les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul, hein, bah c'est un temps qui est révolu. On vit maintenant dans une démocratie couchée, et dans une démocratie couchée, il m'apparaît naturel que les morts donnent l'exemple de l'humilité. Mais voilà, étant donné la conjoncture actuelle, même pour Marie-Antoinette, pas de fête sans sponsor. Tu es poussière et tu retourneras la poussière en un tour de main avec le nouveau saupoudreur de terre Franklin. Dites adieu à jamais aux doigts souillés. Une exclusivité article funéraire Franklin. Plus jamais de funérailles avec une tête d'enterrement. Merci Flora Bernard pour ce fascinant récit sur ce qu'est la fête des morts à l'INA. Et qui savent mieux que nous, bien sûr, ce que signifie « tu es poussière et tu redeviendras poussière ». Mais bon, revenons dès à présent parmi les vivants, où la Toussaint est également un moment si particulier de l'année. Et à ce propos, découvrons justement nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction le cimetière de Gros-Boule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h32, il est temps en effet de te dévoiler comment nos deux héros immortels, Monique et Jean-Claude, ont préparé ce week-end de la Toussaint. Une fête des morts un peu particulière pour eux cette année, car souviens-toi, au printemps dernier, Monique, Jean-Claude et leurs deux mômes, Rémi et Elsa, ont dû affronter un terrible décès puisque Jojo, leur gros matou, s'est fait ratiboiser la face par un camion devant la maison. Du coup, vendredi matin, sous un temps de chien, Monique, accompagnée d'Elsa, était au cimetière sur la tombe du chat. Saloperie de pain, c'est une horreur. Frotte bien les lettres, qu'elles brillent, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme veuve ici, maman? Les femmes d'ici vivent bien plus longtemps que leurs maris. Oh, quel plaisir de vous voir. Quelle bonne surprise. Ah, comment ça va? Oh, coussi-coussa, c'est pas la joie. Allons, faut pas dire ça. Je suis venue nettoyer ma tombe. Avec ce vent, je passe mon temps à lui donner un coup de balai. En tout cas, tu en prends bien soin. Je m'en occupe, ça me fait du bien. Souvent, je viens seule, je m'assois là, je vois pas passer les heures au cimetière. Curieuse bourgade que Grosboule-les-Bains, puisque les veuves apprécient de flâner dans cet étrange cimetière où des sépultures d'animaux domestiques côtoient celles des êtres humains. Enfin bon, après avoir bien astiqué la tombe du gros matou, Monique resta pensive de longues minutes. Et à la veille de la Toussaint, devant la stèle de Jojo avec sa rose fanée, Monique se dit que franchement... On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. On est bien peu de choses, c'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin. Mais bon, c'est la Toussaint, il faut donc remplacer cette rose fanée sur la tombe de Jojo. C'est alors qu'à son tour, Jean-Claude se pointe au cimetière et Monique en profite pour lui demander d'aller chez la fleuriste à l'entrée acheter des chrysanthèmes pour la tombe du chat. Ouais, sauf que là, Jean-Claude, ça le saoule. Inaugurer les chrysanthèmes, c'est l'affaire des forts en thème. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Moi qui n'ai jamais fait grand-chose, je préfère inaugurer les roses. Viens avec moi, viens avec moi. Non, Monique ne veut pas accompagner Jean-Claude, il faut absolument qu'elle finisse de récurer la tombe du chat. Et en plus, c'est la Toussaint, donc pas question d'acheter des roses, il faut des chrysanthèmes, bordel. Dépité, Jean-Claude finit par accepter d'aller chez la fleuriste à l'entrée du cimetière. Il entre dans la boutique au moment même où la fleuriste décroche son téléphone. Non. Non, je peux pas. J'avais plus, tu m'avais fait boire. Avec trois verres, on fait de moi ce qu'on veut. Et tu sais très bien. Mais non, tu m'aimes pas, t'es juste furieux ou vexé. Ça s'appelle une blessure narcissique, si tu veux savoir. Mais je m'en fous des fleurs, j'en ai plein la boutique des fleurs. D'ailleurs, j'ai vendu les tiennes. 3 €. Ça va ? Très bien. Qu'est-ce que je vais faire ? Mais vous allez vous en sortir ? Non, je vais être toute seule et je vais souffrir. Séduit par ce cœur brisé, ah bon, faut dire aussi que c'est une bombasse, la fleuriste, Jean-Claude se dit qu'au final, il a bien fait de venir acheter des fleurs pour la tombe du chat, là. Il propose alors à cette jeune femme de prendre un peu l'air, histoire de se changer les idées. La fleuriste accepte volontiers, ferme son magasin et voilà qu'ils se mettent à flâner au milieu des allées boisées de ce jardin funéraire. Après une petite demi-heure de dissertation sur la vie, la mort, l'amour, Jean-Claude se souvient tout de même qu'il est venu chez la fleuriste pour ramener à Monique quelques chrysanthèmes pomponnettes. Il faudrait qu'on passe à votre magasin, j'aurais besoin d'un bouquet. Hein ? Oui, vraiment. Quelque chose de particulier ? Comment ça ? Les fleurs parlent, vous savez. Les roses, ça dit je t'aime. Les pivoines, retrouvons-nous ce soir. Les anémones, je suis désolée. Il faudrait des anémones. Ah bon ? Et aussi des roses. 50-50. Ah oui. Je t'aime, je suis désolée, c'est très masculin, ça. Ouais. Enfin bon, Jean-Claude finit par avouer à sa fleuriste qu'en réalité, il doit acheter des chrysanthèmes pour la tombe du chat que sa femme est en train d'astiquer de l'autre côté du cimetière. Soudain, la fleuriste se souvient de Monique, qui est passée ce matin à la boutique et qui lui a demandé justement de mettre de côté des plantes à fleurs rouges. Mais Jean-Claude trouve cette idée complètement tarte. C'est de la merde. Pardon ? De la merde. Pourquoi elle dit des plantes à fleurs rouges ? Parce qu'elle est allée chez un cousin ou je sais pas quoi, elle avait une plante à fleurs rouges, alors du coup, elle rentre, il faudrait tout arracher pour foutre du rouge partout. Elle commence à me gonfler légèrement, celle-là. Enfin, c'est pas compliqué. Quel est l'intérêt de cet endroit ? Je sais pas, de se promener. Exactement. Se promener. Avec quelqu'un avec qui on a envie de se promener, à qui on a envie de dire des choses. Voilà, sous les fleurs blanches, pas rouges. Rouge, c'est pour les passions affichées. Il y a toute l'allée centrale là-bas, de mai à juillet. C'est bourré de fleurs rouges. Ici, c'est pour les passions inavouées. Voilà, alors il faut des fleurs blanches. Ou jaunes, à la limite. va faire venir du jasmin. Du jasmin ? De Chine. Jaune. Jaune ? Jaune. Du jasmin d'hiver, quoi. Comme ça, on aura des fleurs toute l'année. Au milieu des morts et devant sa fleuriste, Jean-Claude joue donc sa carte de poétique lover. Quand soudain, devant eux, Jean-Claude aperçoit le vieux notaire de Grosboule-les-Bains, veuf depuis peu, en train de se recueillir sur la tombe de sa femme pour la Toussaint. Le vieil homme se penche alors et s'adresse à son épouse défunte. Je vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. Quand Jean-Claude entend les mots du vieux notaire devant la tombe de sa femme disparue, il lui vient une idée géniale, à la fois pour faire une surprise à ce vieux monsieur, mais aussi pour épater la jeune fleuriste. Une fois de retour à la boutique, donc, Jean-Claude demande à la jeune femme de lui apporter toutes ses fleurs fanées, puis il s'installe sur le plan de travail et commence son tour de magicien avec toutes ses fleurs fichues. La fleuriste observe Jean-Claude et s'inquiète de savoir si tout va bien. Alors celles-là, elles vont devenir rouges. Oh, vous savez, c'est un vieux truc, parce que nous, à l'école, on faisait pareil. Quand j'étais petite, on amenait une fleur, on la trempait dans l'encrier, puis elle devenait noire ou bleue. Puis après, on les mettait dans des cahiers, c'était sale, dégoûtant, on se faisait engueuler. Tenez, regardez, elles commencent déjà à rosir. Regardez maintenant comme elles sont bien rouges. Ouais, ça a été vite, j'ai encore du rouge. Oui, ça, c'est à cause du thermoplongeur. Oh, bah, c'est curieux, parce qu'il y en a toujours une qui reste de la première couleur. Bon, ok, la jeune fleuriste connaissait déjà le truc, mais tant pis. Toutes ces fleurs recolorées et revitalisées feront plaisir à ce vieux notaire pour égayer la tombe de sa femme. D'ailleurs, Jean-Claude en ramènera aussi pour Monique, et la tombe du chat, ce sera bien mieux que ces foutues et traditionnelles chrysanthèmes de la Toussaint. Fin de l'histoire, au final, Jean-Claude a passé un moment très agréable avec cette jeune fleuriste, et surtout, il pensait avoir fait sa bonne action de la Toussaint en offrant ses fleurs éternelles pour la tombe de l'épouse de ce vieux notaire. Mais bon, Jean-Claude fut un peu surpris par la réaction du vieux. Vous avez fait du beau travail. Elle a l'air si paisible. Maintenant, elle est en paix, en effet. Si jamais il y a une justice dans cet univers, elle charrie de la merde en enfer. Ooh, watching me, hanging by a string this time. Sweet About Me, c'est ce que me demande en ce moment l'Australienne Gabriella Silmi. Car 6000 pieds en 1770 en Australie, James Cook, ce n'était pas pour m'y réclamer un sweet et des boats. Allons, tout ça c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43, il est l'heure de découvrir notre petit reportage Made in Panic, évidemment consacré au merveilleux univers du luxe, du calme et de la volupté. Et cette semaine, nous avons confié une pénible et difficile mission à notre facétieux reporter, Monsieur Julien Dugast, puisque nous lui avons demandé de s'aventurer dans le ghetto du Gotha pour savoir comment la jeunesse dorée de Paris s'organise face à la mouise. Oui, car ces derniers jours, nous avons constaté que la crise financière vient de faire son entrée dans notre quotidien. Chômage à la hausse, fermeture d'usines automobiles, faillite des petites entreprises et tous les prix qui s'enflamment. Alors certes, nous nous soucions souvent des pauvres, mais merde, pense-t-on parfois que les riches aussi souffrent de cette conjoncture? Eh bien, après la virgule, découvrons justement les difficultés d'être jeune et riche aujourd'hui. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Aujourd'hui, l'ami, on t'offre une rencontre avec Kylian et Alexis, deux jeunes hommes de 28 ans évoluant dans les beaux quartiers parisiens. Déjà connus par les spécialistes sous leur nom de rappeurs, pas si mal. Comme une rupture de stock chez Givenchy. Comme de finir son golf avec la pluie. Comme toutes ces allumeuses qui nous michetonnent. Comme un voici privé de Paris Hilton. Comme s'il n'y avait plus de gel pour se coiffer. Bref, tu l'as compris, ces jeunes gens sont... une élite. Les meilleurs des meilleurs. D'être bien né, je sais pas tellement ce que ça veut dire, mais effectivement, on est dans un environnement où les gens voilà, sont des chefs d'entreprise, où les gens ont fait des bonnes études. Nous-mêmes, on a fait, c'est vrai, des études pas trop mauvaises. Et donc, du coup, en termes de réseau, oui, c'est un réel avantage. Maintenant, c'est pas pour ça que les gens vont plus vite. C'est pas pour ça que notre concept a été plus facile à monter. Et leur projet se nomme Cocoon Club. On vient de lancer un nouveau site internet qui s'appelle The Cocoon Club, donc qui est accessible à l'URL www.thecocoonclub.com et qui est le nouveau réseau social qui va cartonner chez les jeunes parisiens plutôt branchés. C'est un monde de luxe. Et dans ce monde de luxe, il est facile d'oublier les autres et de ne penser qu'à soi. On l'a lancé il y a un mois, c'est tout neuf, c'est vraiment un tout nouveau concept. Et on a déjà près de 3000 membres qui se sont inscrits, donc c'est allé assez vite. L'idée, c'est qu'à la base, effectivement, on a fait appel à notre propre réseau. Et après, bah, ça, c'est le principe de base des réseaux sociaux, c'est que bah, le réseau s'étend parce que les amis invitent leurs amis, qui invitent leurs amis, qui invitent leurs amis. L'idée de ce site pour jeunes nantis, t'offrir des avantages dans des lieux où tu trouveras plein de gens comme toi. Beau, jeune et équipé d'une carte gold, ça va de soi. Tu vois, Gérard, que ça te serve de leçon. C'est toujours les gens les plus riches qui sont les plus regardants. Grâce à ta carte Cocoon Black, à 100 euros par an, bim, t'es reçu comme un prince au resto et la bouteille, allez, c'est gratos. Champagne, mesdames. Oh, voilà une excellente entrée en matière, James. Je vous remercie, Lady Patton. Eh bien, à votre bonne santé, mesdames. Être enfin traité comme une lady, c'est tout l'intérêt de ce cocon. Mais attention, sans invite, bah tu rentres pas. Vous avez envie qu'on parle de vous et en même temps, faut que ça reste un petit peu élitiste. Alors, on a envie... oui, ça c'est toujours le problème quand on lance un concept plus ou moins privé. C'est comme une boîte de nuit qui se lance. On n'a pas envie qu'il y ait trop de monde dedans, mais on adore qu'il y ait 300 personnes qui fassent la queue pour rentrer. Nous, c'est un petit peu le même principe, si vous voulez. Quand est-ce qu'on parle argent? Argent. C'est ce qu'il y a de plus facile. Le but pour vous, c'est quoi? C'est de le revendre plus tard en se faisant revendre le nom de domaine un peu plus tard en se faisant un maximum d'argent. C'est vous faire connaître à travers ce site-là, c'est quoi? Alors moi personnellement, c'est de le revendre plus tard en se faisant un maximum d'argent. Et Alexis, lui, c'est de se faire connaître. Et oui, je sais ce que tu te dis, auditeur. Cocoon Club, Small World ou Facebook, mais tout ça, c'est la même limonade. Bouteille gratuite ou pas, c'est surtout un truc qui te bousille un couple plus vite qu'un clic de souris. Et sur ce point, au moins, eh ben on est tous égaux. Oui, salut mon cœur, c'est moi. Dis donc, tu m'as pas accepté? Accepté de quoi? Mais arrête, là, je suis au boulot, là. Non, bah écoute, je suis sur l'ordi, j'ai bien vu. Sur Facebook, tu m'as pas accepté comme ami. Mais je m'en fous, je suis Facebook, là. Tu vois bien que je suis ici en train de travailler. Abdelak, tu sais ça maintenant? Tu m'acceptes sur Facebook immédiatement? Sinon, je fais une webcam érotique avec Ahmed. Ah, la jeunesse dorée. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu n'éprouves pas du tout la même compassion que nous à l'égard de ces pauvres jeunes qui tentent de s'émanciper de ce carcan social qu'est le leur. Mais sois indulgent, bon sang. Ils ne sont que victimes, boucs émissaires et souffrent-douleurs. Car ont-ils choisi de naître fortunés?

J'imagine surtout l'angoisse du type affecté à l'enregistrement des bagages pour le pèlerinage annuel de Lourdes, alors que son pote, lui, fait le départ pour Ibiza, et ça, c'est pas juste. Bon, alors, les déshabilleurs, là, ceux qui veulent ces scanners, ils ont un argument, ils disent que c'est moins désagréable qu'une palpation corporelle. Ah oui ? Oui, ça se discute, ça se discute. Bon, ils disent qu'il faut pas s'effrayer de toute façon, parce que l'image rendue sera un peu floue, mais moi, c'est je dis... C'est ça, oui, t'as qu'à croire. Ouais. Et puis surtout, les mecs, oh, David Hamilton, il a fait sa carrière là-dessus. Le subjectif, c'est érotique, attention. Alors, vous voyez, Philippe, pour les autorités, il n'y a aucun mal à nous mater à poil dans les aéroports. Mais quand même, des limites, il y a la nudité. Parce que c'est l'incomparable Gérard Lefort qui nous apprend ça dans le quotidien Libération de mercredi dernier. À la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain qui avait lieu la semaine dernière à Paris, il y a eu d'étranges visiteurs. En effet, on a eu quelques policiers en civil qui ont débarqué, non, qui ont plutôt occupé les lieux, voilà, afin de décrocher les œuvres de l'artiste russe Oleg Kulik, suite à une demande du parquet de Paris qui jugeait ses œuvres pornographiques. Alors, c'est sûr, les créations d'Oleg Kulik dans le champ artistique, comment dire, bon, c'est un peu à l'opposé de ce que fait Céline Dion, quoi. Oui. Ouais. Et on voit, enfin bon. Et il joue avec les corps, il superpose les humains et les bêtes dans des installations qui laissent pas indifférents du tout, et surtout pas les autorités morales du pays, qui, si ça continue, vont nous réinventer le délit d'art dégénéré. Qu'elle fasse gaffe à ses fesses, l'Olympiade Manet, sinon... au trou. Mais c'est scandaleux quand même, cette intervention de la police. Là. C'est assez monstrueux parce que les œuvres de Kulik sont exposées depuis longtemps dans le monde entier. En France aussi, ça n'a jamais posé de problème. Moi, je sais pas, je vois pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a un rite vaudou. Je sais pas. Bon, en tout cas, il est certain, on ne peut pas dire de Kulik qu'il est pornographique. On ne peut pas dire qu'il est violent. Bon, on peut peut-être imaginer que Kulik néphrétique. Non mais voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Et c'est pas possible. Non, mais ce qui choque les acteurs de la morale légitime, c'est que cet artiste confronte et confonde l'humanité et l'animalité. C'est un amalgame très mal vu. Pourtant, Le Parisien nous apprend cette semaine qu'il y a pire qu'un happening de Kulik. C'est la chaîne américaine PBS qui a choisi Brad Pitt pour être la voix de Denis Baupin. L'ex-adjoint vert au maire de Paris va être doublé par Brad Pitt dans un reportage, un documentaire sur le Vélib. Ils sont très très forts, ces ricains. Bientôt, ce sera Angelina Jolie pour Roselyne Bachelot et Demi Moore pour faire Jean-Louis Borloo. Ah non, c'est pas possible, c'est une femme. Oui, bah écoutez, moi j'ai le droit de servir un demi à Monsieur Borloo si j'ai envie. Alors, je me suis demandé d'ailleurs qui pourrait jouer François Bérou. Eh ben, j'ai pensé à Peter Buckley, un boxeur professionnel de 39 ans qui s'est illustré cette semaine. C'est le Times qui nous raconte ça. Peter a fêté sa fin de carrière avec son 300e combat et tout de même avec 256 défaites. Eh ben. Le Times précise que son nom est The Professor. Alors bon, c'est sûr que question hypercute, il a de quoi devenir un superbe conseiller pour le Modem. Et d'ailleurs, à ce sujet, je crois avoir trouvé une piste très lourde sur les conseillers politiques de Nicolas Sarkozy. Eh oui, mais de quoi peuvent bien s'inspirer Nicolas Sarkozy, vous n'y arrivez pas avec ce nom. La semaine dernière, ça marchait. Nicolas Sarkozy. J'accroche, hein, et pourtant, Dieu sait que je répète. Alors, de quoi s'inspire Claude Guéant et Alain Minc? Vous allez me dire, je sais pas, moi, de Spinoza, de Machiavel. Non, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai trouvé la réponse. C'est sans doute du mensuel Miss, qui consacre ce mois-ci un dossier intitulé « Comment faire comprendre aux parents qu'on doit avoir de l'argent de poche ?» Un vrai programme gouvernemental. Oui. Oui. Alors, la première chose, nous explique l'article, c'est le dialogue. Bon, question de dialogue social, là, c'est loupé. Nicolas, en revanche, a bien suivi un autre conseil. Ouais, il faut dire aux parents que tu veux plus d'indépendance pour payer tes sorties. Et ça marche, 25% de plus pour le budget de l'Élysée. Il nous conseille aussi d'utiliser son charme pour amadouer les parents. Alors, il donne comme conseil de faire du babysitting. Pourquoi pas, c'est une évocation directe de la garde des Sceaux qui va justement bientôt les perdre. Eh oui, c'est Sceaux. C'est Sceaux. Et voilà, ils sont parfaits dans Miss. Alors attention, je dis attention, il faut faire semblant avec les apparences. Parce que le problème, quand la forme prime sur le fond pour prendre les gens dans ses filets, ben n'importe quel pêcheur du Guilvinec le dira à Nicolas, à la pêche comme en politique, le danger, c'est l'apparence. Merci Monsieur Mauduit pour cette revue de presse vigilante. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes.